Exercice 1, page 37. A. Une amie. B. Une grande amie. C. Une femme. D. Une femme drôle. E. Il mange. F. Il mange beaucoup.